L'arbre dégage ses voix brachiales, des nids au milieu je vois. Étonné, ça ressemble à des insectes. Je me demande où je suis tombé. Je suis encore très bête. Moi et la philosophie, une histoire de sagesse. Mon amour en théorie ne fait plus de maladresse. Joli papillon, sortez de votre cocon. Joli papillon, sortez de votre cocon. Quand vous ouvrirez vos ailes, je voudrais vous les voler pour voler vers cet ailleurs où je pourrais m'en aller, venir m'y reposer. Joli papillon, sortez de votre cocon. Quand vous ouvrirez vos ailes, je voudrais vous les voler pour voler vers cet ailleurs où je pourrais m'en aller, venir m'y reposer. Découpez vos ailes, venir me les accrocher dans mon dos apaisé. Je me sens déjà tout léger, j'ai déjà décollé vers la poudre ennuagée, mon envol en fin d'année.